société, un petit gagne des fois à nous en mettre. A ou en bande société, toi. A ou en bande société. Un petit gagne ou timba, il y en a cour, mon nom est midi. A ou en bande société. A ou en bande société, toi. Un homme là, un timba, ma main a des miss fandaye. A ou en bande société. A ou en bande société. A ou en bande société, un petit gagne des fois à nous en mettre. A ou en bande société, toi. Awa man so se tuwaye, awa man so se tem tikene de fa anso no mete. Awa man so se te, awa man so se te. Anti ke ruchi mba ile na kurma no met mete. Awa man so se te, awa man so se tuwa. Anzo mla yanti mba mama ina demis pandaye. Anya man so se te, anya man so se te. Anya man so se tem tikene de fa anso no mete. Ananat voluka ndaye, ananat voluka, ananat voluka, chikia sendinu wande isaluka. Ananat voluka waye, ananat voluka, antisma itana isef sef na nufkufka. Ananat voluka waye, ananat voluka, anansega nalabatato chikia mamufka. Ananat voluka, ananat voluka, apnanak vonum masakndri. Matufka, ane nat voluka waje, ane nat voluka, ane nat voluka, chika sendinu anda isaluka, ane nat voluka waje, ane nat voluka, antisma itana isef sef na nufkufka, ane nat voluka waje, ane nat voluka, anansega na labada to chika mamufka, ane nat voluka, ane nat voluka. Ania nat creator.